Hachi, Hachi, Hachi gang, Snow gang, Sifu Koro de la paix. Dans ma banlieue, c'est la guérilla. Et ça pue le crime dans le hood, et puis des jeux, prends une arme. Cassage de gueule, t'inquiète pas, t'es dans nos favelas. Tu ne peux même pas t'acheter un palais, tu n'as pas de dollars. On est focus sur nos chests. Le premier qui bouge, on le baisse. Personne ne touche à nos chests. On est focus sur nos chests. Le premier qui bouge, on le baisse. Personne ne touche à nos chests. On est focus sur nos chests. On est focus sur nos chests. C'est Fucoro de la paix. J'suis dans les bails, je vois la paix. Y'a pas de grève le jour de la paix. Bon, bon, bon, bon. Le charron est sorti de la paix. J'ai pas d'autant, fous-moi la paix. T'investis dans la doline ou dans la bière. Y'a la couleur du sang sur mon drapeau. La force du gorille sous les trapèzes. La moitié du gang est au cachot. J'ai le rap facile comme la gâchette. C'est mon train de vie et j'm'en bats la race. D'ici pas, j'ai compris que rien n'est gratuit. Ils nous aiment pas, j'me vole pas la face. Quoi qu'on dise, ils nous prennent pour des bandits. Quoi qu'on dise, ils nous prennent pour des chiens. Pour des cons, pour des clowns, pour des bâtringues ou des zoulous. Quoi qu'ils fassent, moi je traîne pour les miens. Pose pour les miens, vie pour les miens, crève pour les miens. J'pars au charbon comme un talibé. Chéri, fais l'amour, fais la bouffe, j'fais les sous. Les produits d'ici sont de qualité. Si tu veux la dope, par ici, fais dans le tout. Dans ma banlieue, c'est la guérilla. Et ça pue le crime dans le hood. Et puis des jeux, prends une arme. Cassage de gueule, t'inquiète pas, t'es dans nos favelas. Tu ne peux même pas t'acheter un palais. Tu n'as pas de dollars. On est focus sur nos chests. Le premier qui bouge, on le baisse. Personne ne touche à nos chests. On est focus sur nos chests. Le premier qui bouge, on le baisse. Personne ne touche à nos chests. On est focus sur nos chests. On est focus sur nos chests. Pour rien, faut pas mitonner. C'est des putes, faut pas les coller. Comme on dit, faut pas déconner. Tu connais, faudra les coller. C'est un schlag, je vais pas lui donner. Je te souris, je vais pas rigoler. Rien n'est sert de faire l'étonner. Tonner qui se fait détrôner. Et tu sais, on devient pas un homme en battant une femme. On devient pas un bonhomme en arrachant une dame. On fume qu'une hôtel fakir. On voit la weed hollandaise. Ça tire comme un malakoff. L'histoire devient une parenthèse. Toi t'es personne, on t'a pas présenté. Hachi les Angeles, je suis venu représenter. Vu ce qu'il y a à la caille, on va pas plaisanter. Tu n'es pas dans nos jazz, on va pas se récolter. J'ai plus pégane, plus si que le piano dans nos favelas. J'trouve plus de confort dans l'IH d'oseille que dans le lit de Pamela. Hachi Pamela. Si loin de Louis XVI, si près de Olivier de Dolce & Gabbana. Si bien dans Mouhoud, à Ivry, Cali, dans la Havana. Dans ma banlieue, c'est la guérilla. Je prends une arme. Passage de gueule, t'inquiète pas, t'es dans nos favelas. Tu ne peux même pas t'acheter un palais. Tu n'as pas de dollars. On est focus sur nos chests. Le premier qui bouge, on le baisse. Personne ne touche à nos chests. On est focus sur nos chests. Le premier qui bouge, on le baisse. Personne ne touche à nos chests. On est focus sur nos chests. On est focus sur nos chests.